ainsi échangé. Yotir Kali, c'est le nouveau concept. On a mocalisé le coupé décalé. Avoir Athena Coco ni Coco, inévitable. Maman Bouyaga Kotale. Le moment de tout le monde. Si tu es si fou, si tu es le temps de King, si je n'ai merci pour Alpha Yabouma, Fatou Bongo, Bonanga, Télé DG, Exocé, Lagnas, Adichor,